fut un temps, j'avais ni carte d'électeur, ni mi-père, Nakmendo, Sami, ange militaire. Citoyen, non, frérot, dis-toi bien que dans nos tests, y'a autant de chances que de type à jeun, frérot. Marre de vivre au dépôt, demande au daron, mec, la bac a des goûts bizarres niveau déco. Passer aux aveux, ça va pas, non, j'ai confiance comme mon canon et j'parle comme mon baveux. C'est comme ça qu'ils causent, parce que la France a les yeux verts, mec, c'est old school, les casiers vierges. Moi je te le dis bien, rien ne change, et en 2020, on aura nos vies de chiens et un autre de vie de pain. Nous et nos têtes de fouteurs de zbeul, il se peut qu'ils nous aient loupé peu, nac. Chez moi je suis qu'un lascar, avant d'être un citoyen. Et ça parle de cash bras et de mafia, même si joue pas les Italiens. Chez moi quand ça s'installe, je suis qu'un lascar, avant d'être un citoyen. Sans les tests ça passe pas, et c'est pas ça, qui te file la graille et c'est t'as rien. Je suis plus citoyen, demande pas si je vois bien, même dans le noir, je te la mets dans le cul pour six fois rien. Mes types en cause la cause mal et baise la cause à Nostra. Je mixe le Sky et le Coca-Cola, c'est hardcore poupée, tu finiras la gorge coupée dans les urgences en Georges Clooney. Je sais qu'en enfer on m'attend, combattant nonchalant. Je peux plus gâcher mon talent. Aux armes citoyens, viens honorer le colonel. Où on te retrouvera ligoté dans un nouveau hôtel. On pénètre dans leur crèche. On rappe à la New-Yorkaise pour pouvoir rouler dans les meilleures caisses. Chez moi quand ça se calme, je suis que lascar avant d'être un citoyen. Et ça parle de cash bras et de mafia, même si joue pas les Italiens. Chez moi quand ça se calme, je suis que lascar avant d'être un citoyen. Sans les tests ça passe pas et c'est pas ça qui te file la graille et c'est italien. Je ne me sens plus dans leur monde, depuis que je marche mes pieds sont dans une tombe. Leur monde qui finira sous une pluie d'atomique bombe. Que ma mère me dit t'as pas ramassé chaque grain de riz. Et d'autres n'ont à bouffer que leur chakra fini. Depuis que l'appétit nous vient qu'en fumant, un spliff ou une chatte, un one shot, le peu de fric qui n'enchante guère. Depuis que les quinries restent sur les champs de guerre, que je pense fort au comeback, aux pyramides comme les gens du Caire. J'ai pris en cours avec du matériel usé à faire des matérialisés qu'on veut que nous dématérialiser. Un système basé sur des méfaits en forte quantité. Découpe ma carte d'identité, escorte d'identité. Chez moi quand ça se calme, je suis que lascar avant d'être un citoyen. Et ça parle de cash bras et de mafia, même si joue pas les Italiens. Chez moi quand ça se tape, je suis qu'un lascar avant d'être un citoyen. Sans les tests ça passe pas et c'est pas ça qui te file la graille et c'est italien. Alors en un, oubliez vite la dette de l'Afrique. En deux, c'est vous qui voilez la tête de notre fric. En trois, on aspire au respect, respire pour les parents. Crois-nous quand on te dit que de leur vie on est garant. Même si je t'égorge, je vis en marge, la ville est grande. J'ai la même pousse que Mick Jagger, si tu les croques, je brise tes membres. Cous va voter, ils ont peur de ça. Moi je le ferai pas parce que je sais que tout va sauter. Je suis pour la monnaie, je suis dans mon délire. Le rap nous rapporte rien, on continuera tant qu'on est libre. Je suis plus citoyen depuis l'âge de la puberté. Mes mains sont moites et tous mes spliffs sont humectés. Chez moi quand ça se calme, je suis que lascar avant d'être un citoyen. Et ça parle de cash bras et de mafia, même si joue pas les Italiens. Chez moi quand ça se tape, je suis que lascar avant d'être un citoyen. Dans les tests ça passe pas et c'est pas ça qui te file la graille si t'as rien. Pas Esteban, mais j'habite une cité d'or.